Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. Mais où s'arrêtera le Qatar ? Le petit émirat, guère plus grand que la Corse, est devenu un géant économique et boulimique. Il ne cesse de procéder à des acquisitions, d'accroître ses participations dans nombre de grandes sociétés occidentales et d'acheter par exemple des clubs sportifs ou des palaces. À tel point que sa capitale, Doha, est maintenant une étape indispensable pour les entrepreneurs en mal de financement. Mais le Qatar est aussi devenu un acteur politique incontournable dans le monde arabe, grâce en particulier à sa chaîne de télévision Al Jazeera. Il étend son influence et n'hésite plus à jouer un rôle actif dans les grandes questions internationales, comme on l'a constaté récemment au cours de la crise libyenne. Plus préoccupant est le soutien que l'Émirat accorde aux islamistes un peu partout dans le monde musulman, Doha étant même aujourd'hui le refuge de la fine fleur des salafistes indésirables dans leur pays. Alors, doit-on se demander si l'émir qatari joue un double jeu ? Et son pays n'est-il pas un colosse au pied d'argile susceptible d'être soudainement déstabilisé ? Monsieur X répond dans un instant. C'est une recension qui donne le vertige. Je veux parler de la liste de toutes les acquisitions récentes des Qataris. Pour la France, retenons par exemple que l'Émirat possède 13% des actions de Lagardère. Et puis aussi le club de football du PSG. Hein. Et quelques fleurons de notre industrie hôtelière, comme le Majestic, le Carlton ou le Grès d'Albion. Le Qatar a aussi investi dans les plus grandes sociétés françaises, Suez, Environnement, Vinci ou Total. Mais il faut dire que ces investissements ont été fortement encouragés par le pouvoir politique. À l'instigation de Nicolas Sarkozy, une loi a été votée en 2009. Elle exonère pendant 5 ans les Qataris d'impôts sur la fortune et sur les plus-values immobilières. C'est pratique ça. Et ouais. Dans les autres pays ? En Allemagne, les Qataris détiennent 17% du capital de Volkswagen et 10% de Porsche. Quant au Royaume-Uni, il n'est pas en reste. Le Qatar possède aujourd'hui 20% de la bourse, c'est-à-dire du London Stock Exchange. Cette formidable richesse, le petit Qatar, la doit à ses richesses naturelles. Et le gaz, oui, puisqu'il dispose des troisièmes réserves de la planète. Mais j'y viens dans un instant, ça. Auparavant, voyons d'où vient ce petit émirat dont le PIB, le produit intérieur brut par habitant, est aujourd'hui le plus élevé du monde. Quelques notions géographiques d'abord. Oui, je vous écoute là. Le Qatar est une presqu'île de 11 000 km² située sur la rive sud du golfe arabo-persique, limitrophe de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Et en face, de l'autre côté du golfe, se trouve l'Iran. Oui, un voisin très encombrant, mais on en reparlera. Le pays est plat, désertique et les chaleurs y sont extrêmes en été. À tel point qu'il était coutume de dire que c'était une terre oubliée de Dieu, tant les conditions naturelles y étaient ingrates. Et longtemps, la principale et seule richesse du Qatar est demeurée la pêche des huîtres perlières. Pas de quoi faire vivre une population nombreuse. Hein. En effet, le pays ne comptait que 25 000 habitants en 1945. Bon, l'histoire maintenant. Après avoir appartenu au Portugal, puis à l'Empire ottoman, le Qatar est devenu ensuite un protectorat britannique et n'a acquis son indépendance qu'en 1971. La famille Al Thani, qui est encore aujourd'hui à la tête de l'émirat, a pris le contrôle de la péninsule à la fin du XVIIIe siècle. C'est une branche des Bani Tamim, l'une des confédérations de tribus bédouines les plus anciennes d'Arabie. La population originaire du pays est en grande partie musulmane, sunnite d'obédience wahhabite. Ouais, comme la majorité des Saoudiens, donc. Avec lesquels, pourtant, les rapports ont été souvent tendus, et le reste. Mais le véritable ennemi du Qatar a été longtemps l'île de Bahreïn. Un conflit militaire a même opposé les deux émirats au milieu des années 80. À quel propos, là ? La possession de quelques îlots. Alors bon, venons-en à l'origine de la formidable richesse du Qatar, le gaz. Pas de pétrole ? Un petit peu, oui. Enfin, plusieurs gisements sont exploités dans la partie occidentale de la péninsule. Mais d'une part, le Qatar n'est qu'un producteur de taille moyenne. Et d'autre part, ses ressources ne sont pas inépuisables. Non, la grande affaire du Qatar, c'est le gaz naturel. L'émirat possède une véritable mine d'or dans ses eaux territoriales. Le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Situé au nord de la péninsule, ce gisement s'étend sur 100 km de long et 50 km de large. Mais toutefois, il existe un point noir. Quoi ? Bah, ce gisement est situé à cheval sur les eaux territoriales du Qatar et de l'Iran. Alors chacun des deux pays peut donc y puiser. Mais heureusement pour le Qatar, l'Iran n'a pas été en mesure de développer ses projets d'exportation gazière du fait des sanctions américaines et européennes. Oui, c'est donc d'abord le Qatar qui se sert. Et qui est de ce fait le premier pays exportateur de gaz naturel, oui. La situation mécontente, bien sûr, l'Iran qui menace régulièrement le Qatar de mesures de représailles. N'est donc pas un hasard si l'émirat accueille une base américaine de grande importance, l'une des plus grandes hors des États-Unis. Ah, ça c'est une sorte de polisation. Bon, on peut le voir comme ça, effectivement. Mais pour revenir à la question du gaz, il faut observer que le Qatar s'est donné les moyens de devenir cette superpuissance de la production énergétique. Assez rapidement, les autorités de l'émirat ont misé sur la liquéfaction du gaz en se dotant des installations nécessaires. C'est important. Car le gaz liquéfié peut être exporté non par gazoduc, mais par des navires méthaniers, ce qui permet au Qatar de vendre son gaz à la planète entière. Oui, mais il faut posséder ce genre de bâtiment. Eh bien, l'émirat s'est lancé dans un considérable plan d'acquisition de gigantesques navires ultramodernes. Le Qatar est aujourd'hui à la tête de la plus grosse flotte de méthaniers au monde, plusieurs dizaines. Mais permettez que je me réfère à mes notes. Les plus gros de ces navires peuvent emporter jusqu'à 265 000 tonnes de gaz liquéfié. Et certains disposent même d'un système de liquéfaction du gaz à bord. Pour vous donner une idée de ce gigantisme, sachez que le port qui accueille ces monstres couvre une surface de 56 km². Il est prévu de l'agrandir et de construire de nouveaux bras de chargement. Ouais, c'est une expansion continue. Ouais. Ouais. Un chiffre pour terminer. L'émirat produisait 2 millions de tonnes de gaz liquéfié en 1996. Et aujourd'hui, c'est 77 millions de tonnes par an. En même temps, le Qatar s'est doté d'une industrie pétrochimique. Et cette rapide prospérité économique s'est aussi accompagnée d'une rapide progression démographique. Le pays compterait plus d'1,5 million d'habitants. Mais cette population est constituée à 85% d'expatriés. Indiens, pakistanais, philippins, sri-lankais, iraniens et bien sûr arabes. C'est si vrai que le nombre d'habitants a plus que doublé en l'espace de 6 ans. La richesse du Qatar attire beaucoup de monde. Oui, car l'émirat est devenu un vaste chantier de construction où l'on édifie les tours les plus modernes signées par d'éminents architectes qui accourent du monde entier. Le Qatar est aujourd'hui le pays des superlatifs. Et toujours plus grand, toujours plus cher. Et toujours plus luxueux. Dans la banlieue nord de Doha, on construit ainsi une ville nouvelle qui pourra accueillir 200 000 habitants. La ville qui abritera le futur stade de la finale de la Coupe du Monde de football 2022 sera pourvue de 22 hôtels, 34 mosquées et plusieurs terrains de golf. Le projet prévoit également la construction d'un tramway métro comprenant 4 lignes et 22 stations. Et c'est une filiale de Vinci qui réalise ces travaux. Le français Vinci, dont le Qatar est actionnaire. Oui, autre projet, la Perle, un nouveau quartier de Doha, édifié sur une île artificielle où pousseront 100 tours et où Guy Savoy doit ouvrir un restaurant cet été. Coût total, 10 milliards de dollars. Et il faudrait aussi ajouter la construction de 9 nouveaux stades, toujours pour la Coupe du Monde 2022, pour un coût de 4 milliards de dollars. Mais comment expliquer là, ces ambitions démesurées? Et qui sont inversement proportionnelles à la taille du pays. Eh bien, l'émir, qui règne presque sans partage sur le Qatar, veut jouer dans la cour des grands. Et pour l'instant, il en a les moyens, puisqu'il semble que sa richesse soit inépuisable. Dans un article du Monde de février 2012, Benjamin Barthes tente d'expliquer l'origine de l'ambition du maître du Qatar. Extrait. Pour comprendre ce qui fait courir la dynastie Al Thani, il faudrait remonter à l'époque des perles et des chevaux, les deux mamelles historiques du pays. Dans la psyché des Qataris, la perle est quelque chose de fondamental. Il y a chez eux un vrai ressentiment historique, un besoin de revanche sur ses voisins, cheikhs arabes ou maharajas indiens, qui l'ont copieusement pillé. Dans les années 80, alors jeune prince héritier, le cheikh Ahmad fait une expérience amère. Lors d'un voyage en Europe, un douanier à l'aéroport lui agite son passeport sous le nez, goguenard. Mais c'est où ça le Qatar ? Ça existe vraiment ? Mortifié, le futur émir aurait juré de faire très vite connaître son confetti de terre. Le véritable artisan de la mue extraordinaire du Qatar, c'est le cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, pour donner son nom complet. Ouais, c'est-à-dire l'émir actuel. Hein. Oui, un militaire de formation qui a renversé son père en 1995, alors que ce dernier prenait du bon temps en Suisse. Ouais. Et pourquoi ce putsch, hein? Bon, parce qu'il estimait que son père ne prenait pas suffisamment à cœur le développement du pays. Et surtout, il voulait sortir le Qatar de l'anonymat relatif dans lequel il végétait. Vous avez déjà vu les photos de l'émir? Oui, un personnage plutôt massif. Hein. Un visage barré d'une épaisse moustache noire, oui. Cet homme habituellement vêtu comme un bédouin est un amateur de chasse aux faucons et de plongée. Mais il est surtout réputé pour son franc-parler dans une région où on y est guère habitué. Enfin, il a un réel sens de l'humour. Ouais. Et m'avez-vous dit, il règne sans partage? Avec une poignée de proches, tous membres de son clan. C'est important. Dans l'émirat voisin d'Abu Dhabi, le processus de décision est dilué entre une multitude de frères et de demi-frères. Au Qatar, il n'en est rien. La stratégie se dessine entre quatre personnes. L'émir, son fils, Tamine, de plus en plus associé à la marche du pays, l'une de ses épouses, la fringante Sheikha Moza, et le premier ministre Ahmad Ben Jassem Al Thani, qui est aussi le patron du QIA, l'organisme qui gère et impulse la plupart des investissements qataris. Et cette structure du pouvoir a un avantage. Oui, et à part le petit nombre, expliquez-moi. Là. Bah, au Qatar, les décisions se prennent très vite. On prétend même que les hommes d'affaires courent en permanence après l'autorité publique, alors que c'est le contraire dans la plupart des pays. Mmh. Et politiquement? Le cheikh est assurément un conservateur. Mais sur un point au moins, il a été progressiste. En 1999, il a accordé le droit de vote aux femmes. Et il ne fait nul doute qu'en cette affaire, sa deuxième épouse a joué un rôle. Parlez-moi d'elle. La Sheikha Moza, qui serait la femme arabe la plus influente, selon le magazine Forbes, est très écoutée par son mari. On dit même qu'elle aurait été l'inspiratrice du coup d'État de 1995. Sheikha Moza bin Nasser al-Misned, son nom complet, est devenue par ses seules qualités une actrice politique à part entière du Qatar et garde toujours un œil sur son époux. Autre intérêt de cette femme de 52 ans qui a donné 7 enfants à son émir, elle véhicule une image de réformisme et de modernité du régime qatari. Ouais, ça peut être utile. Et puis elle est très belle. Hein. Ah, incontestablement. Elle est toujours élégante et détail significatif, elle porte un léger foulard qui ressemble de très loin au niqab traditionnel. Mmh. Actrice politique de premier plan, avez-vous dit, occupe-t-elle des fonctions officielles? Oui. Oui, elle est par exemple présidente du Conseil suprême pour les affaires familiales et également vice-présidente du Conseil suprême de l'éducation et ambassadrice de l'UNESCO. Mais elle est aussi à la tête de la Fondation du Qatar qui investit massivement dans le développement universitaire. Enfin, cette femme très occupée s'intéresse à l'industrie du luxe. Son groupe, Qatar Luxury, a racheté en août la marque française Le Tanneur, dont elle veut faire un géant international du luxe, à l'égal de LVMH. Alors elle-même, comme son mari, ne manque donc pas d'ambition. Hein. C'est vrai. Mais ces derniers temps, elle se fait toutefois un peu plus discrète. Pourquoi? Elle est dans la ligne de mire des salafistes. Trop moderne? C'est évident. Pour ces intégristes, elle donne le mauvais exemple aux autres femmes. En outre, elle est sans doute à l'origine de l'adoption en 2006 d'un code de la famille qui accorde plus de droits aux femmes. L'autre raison pour laquelle l'épouse de l'émir se met relativement en retrait, c'est qu'elle n'entretient plus de relations très chaleureuses avec le Premier ministre. Il en est de même pour son fils, Tamine, le prince héritier. Rivalité au cœur du pouvoir. C'est certain. Mais j'y viens tout de suite. Encore un mot sur la belle et distinguée Moza. Jeune diplômée de sociologie, c'est en 1977 qu'elle est devenue la deuxième épouse. Son père, Nasser al-Misnad, opposant au régime, a été emprisonné, puis banni par son futur beau-père. Le mariage a donc été le fruit d'un arrangement politique. Le futur émir s'est ainsi réconcilié avec le clan des al-Misnad exilés au Koweït. Et son fils, alors, la Tamine, le prince héritier. Ce jeune homme, qui est francophone, porte le titre de vice-émir. Ouais, et donc ça ne va pas très fort avec le Premier ministre. Celui-ci, le cheikh Ahmad bin Jabr, a longtemps été considéré comme le personnage le plus influent de l'émirat. Mais il semble que son étoile est en train de pâlir. La preuve, c'est qu'en dépit du fait qu'il occupe aussi le portefeuille de ministre des Affaires étrangères, le cheikh Tamine a aujourd'hui la haute main sur les dossiers diplomatiques. Et d'où viendrait cette rivalité là entre les deux hommes ? Une rivalité récente. Les deux hommes se sont en particulier opposés à propos de la Syrie. Le cheikh Tamine est favorable au CNL et à l'armée syrienne libre. Le prince héritier veut accélérer la rupture avec le Hamas et le pouvoir syrien. Contre l'avis du Premier ministre. Ça va même plus loin, puisque le prince héritier serait décidé à lancer une enquête sur cet organisme qui gère les principaux investissements qataris. Et qui est placé sous l'autorité du Premier ministre. Par conséquent, il ne serait pas tout à fait inattendu qu'on assiste à Doha à quelques bouleversements au sommet. D'autant que Tamine est bien sûr soutenu par sa mère, l'influente Cheikh Hamza. Le régime n'est peut-être pas aussi stable qu'il y paraît à première vue, alors. C'est probable. L'émir a même procédé à deux épurations préventives dans l'armée. La première a eu lieu en 2009. Elle a été suivie par une seconde en février 2011. 30 officiers ont été arrêtés et 16 membres de la famille régnante ont été assignés à résidence. Mais c'est donc que la menace devait être sérieuse. Et à l'époque des printemps arabes, l'émir a nourri de sérieuses craintes. Un possible mouvement de révolte ? Et ça explique pourquoi le cheikh Ahmad s'est empressé de soutenir l'Arabie Saoudite lorsque celle-ci a envoyé des soldats pour réprimer les dissidents chiites à Bahreïn. Il ne fallait surtout pas que la situation à Bahreïn s'envenime. Et l'émir qatari a même envoyé des troupes. Mais enfin, bon, n'y revenons pas, nous en avons parlé la semaine passée. En tout cas, sur les ordres de l'émir qatari, la chaîne Al Jazeera a été priée d'en faire le moins possible sur les mouvements de contestation qui touchaient le voisin bahreïnien. Oui, alors même qu'Al Jazeera, on le disait la semaine dernière, a puissamment concouru à donner un grand écho aux printemps arabes. Ce qui n'est pas innocent. Mais l'émir n'en est plus à une contradiction près. S'il a souvent donné l'impression d'être révolutionnaire, c'était uniquement à usage externe, car ses avancées démocratiques à l'intérieur du Qatar demeurent très modestes. Il n'y existe ni parti politique, ni syndicat. Le droit de grève est interdit, et la peine de mort est toujours en vigueur. Quant aux ouvriers, surtout s'ils sont étrangers, ils travaillent dans des conditions très difficiles qui sont proches de l'esclavage. Pour autant, existe-t-il une opposition, même clandestine ? Non, la seule opposition sérieuse provient des conservateurs. Ah oui, alors les salafistes ? Oui, car ces fondamentalistes n'acceptent pas toujours la volonté de l'émir de moderniser le pays et de l'ouvrir au tourisme. Aussi doit-il, pour les calmer, leur donner des gages. Ainsi, depuis décembre 2011, dans ce quartier chic de Doha dont je vous ai parlé, Pearl Island, la rivière arabe, l'émir a dû se résoudre à interdire l'alcool. C'est pourtant là que seront accueillies les délégations lors de la Coupe du Monde de 2022. Ouais, interdiction de boire de la bière. Ouais. Ça fait plusieurs fois que vous évoquez cette Coupe du Monde de football. Parce qu'elle revêt une formidable importance pour le Qatar. Et c'est déjà assez miraculeux que la candidature de l'émiral l'ait emportée. Seulement miraculeux ? Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que les Qataris sont très riches. Les pots de vin, alors ? Il est probable que certains dirigeants et même quelques vedettes du football qui ont soutenu la candidature du Qatar ont été arrosés. Enfin, passons. Il y a eu aussi des pressions politiques. En France, l'Élysée semblait très désireux que nos représentants à la FIFA votent pour le Qatar. Et pour quelle raison ? Difficile de rester longtemps indifférent devant le coffre-fort qatari. Et puis, n'oubliez pas que les plus beaux fleurons de notre économie ont accueilli sans déplaisir l'argent qatari. Oui, j'en ai même parfois besoin. Je reviens brièvement au sport qui représente désormais une valeur d'avenir pour le Qatar. Savez-vous, par exemple, que la course hippique la plus cotée du monde, le prix de l'Arc de Triomphe, est sponsorisée par l'Émirat ? Et maintenant, pour voir les plus beaux matchs de football en France, il faut s'abonner à une chaîne de télévision qatari. beIN Sport, filiale d'Al Jazeera, qui a vu le jour au début du mois. Et à votre avis, alors, à quoi ça correspond ces investissements massifs dans le sport ? Le sport est une exceptionnelle porte d'entrée dans le monde économique et celui des relations publiques. Il est clair que le petit Qatar se veut indispensable. Ça passe aussi par une ambition politique démesurée. Et ça ne manque pas d'inquiéter. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Analyse par les journalistes de l'hebdomadaire Jeune Afrique du pouvoir politique qatari. Je cite. La famille régnante domine la vie politique et les affaires, notamment par le biais de l'hyperactif et très rusé Cheikh Ahmad Ibn Jassim Al-Thani, qui agit comme un premier ministre et dispose de l'autorité suffisante pour superviser l'agenda diplomatique et les investissements du pays à l'étranger. C'est donc de la famille que surgira toute alternative politique future, et plus particulièrement des membres de la nouvelle génération. Parmi eux, le prince héritier Tamim, qui a considérablement accru son pouvoir tout en restant dans l'ombre. Il dirige aujourd'hui 85% du pays, affirme Cheikh Ahmad, qui ajoute, sur le ton de la plaisanterie, qu'il a parfois l'impression que la jeune génération n'est pas contente que l'on travaille avec elle. Les Qataris sont des alliés fidèles des Américains, puisqu'ils ont permis à Washington d'installer sur leur sol une formidable base militaire. Mais en même temps, il faut observer que Doha a accueilli et accueille encore nombre d'islamistes. Parmi eux, on trouve le prédicateur libyen Ali al-Salibi, l'ancien leader du FIS, l'Algérien Abbassi Madani, le télécoraniste Karadawi, le Tunisien Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahda. Ouais, le parti vainqueur des élections législatives d'octobre dernier en Tunisie. Hein. Bah, il faut aussi souligner que les messages audio d'Al-Qaïda sont régulièrement retransmis sur Al Jazeera. Mieux, le 3 janvier dernier, les talibans ont ouvert une représentation à Doha, à proximité de la base américaine d'Al-Udeid. Voisinage curieux. Et selon les autorités qataries, il s'agirait de permettre l'ouverture de négociations directes entre les talibans et les États-Unis. Un prétexte ? Pas exclu. En tout cas, le soutien aux islamistes ne se limite pas à l'accueil des dirigeants en exil. Il est également financier, mais notamment en Tunisie pour la campagne d'Ennahda et en Égypte pour celle des frères musulmans. Doha aide également le Hamas qui règne à Gaza. Enfin, le Qatar ne cache pas son soutien à une partie de l'opposition algérienne en exil, notamment les réseaux de l'ex-fils. Mais c'est à l'occasion de la crise libyenne que le Qatar a donné la pleine mesure de ses ambitions. Le Qatar qui a fait partie de la coalition militaire anti-Kadhafi. Hein. Et qui a donc changé de stratégie. Jusqu'alors, l'émirat se contentait de renforcer son influence, ce que les spécialistes appellent le « soft power ». Mais avec la Libye, ils ont opté pour le « hard power », c'est-à-dire la coercition. Et ils ont envoyé quelques mirages rejoindre l'escadrille de l'OTAN. Mais ce n'est pas tout. Doha a aussi fourni des milliers de tonnes d'armes aux insurgés libyens, largués par des appareils français, et aurait même envoyé des hommes sur place. Le Qatar a donc tenu sa place, même modeste, dans la lutte contre Kadhafi. Oui, pour l'OTAN, c'était important qu'un État arabe fasse partie de la coalition. Bah, naturellement, même si la participation qatarienne n'était pas du tout gratuite, en effet. La Libye intéresse au plus haut point le Qatar, à cause de la richesse de son sous-sol. Les autorités de l'émirat peuvent donc espérer un retour sur investissement en participant à l'exploitation du pétrole et du gaz de la nouvelle Libye. Cependant, à l'issue de la guerre, l'émir a piqué une véritable colère. Et pour quelle raison ? Souvenez-vous, en septembre 2011, lorsque Sarkozy et Cameron se rendent à Tripoli pour fêter la chute de Kadhafi, ils les omettent de convier l'émir du Qatar, qui était pourtant l'un des hommes clés du dossier. Il y avait une volonté politique derrière cette omission ? Certainement. Sarkozy, en particulier, craignait que le Qatar ne joue un rôle trop important en Libye. Il l'aurait même dit aux nouveaux dirigeants libyens. Quoi, une sorte de mise sous tutelle de la Libye par le Qatar ? En quelque sorte. Mais ce qui inquiète surtout les Occidentaux, c'est qu'au cours de la guerre, Les dirigeants qataris ont privilégié presque toujours les chefs islamistes les plus radicaux, notamment le djihadiste repenti, Abdelhakim Belhadj, proche par le passé d'Al-Qaïda, ou encore un autre chef extrémiste, Ismaël Salabi. Ce sont ces hommes qui ont bénéficié en priorité des largages d'armes. Effectués, avez-vous dit, par des appareils français. Donc, dans une certaine mesure, nous avons aussi contribué à armer ces extrémistes. Et c'est assez embarrassant, non? Par contre, du côté de l'émir, il n'y a là rien d'étonnant. Le cheikh Hamad a clairement choisi de soutenir les mouvements religieux. Pourquoi? Parce que, dit-il, ces islamistes ont le vent en poupe. Et l'émirat continue aujourd'hui à aider ses protégés. Le général qatari Al-Attiyah a rendu visite à ses hommes après la fin des combats. Et il a tenu à présenter lui-même, Belhadj, au chef militaire français et britannique. Ah, une façon d'adouber cette ancienne affidée de Ben Laden. Ça y ressemble. D'autre part, si Doha a donc joué un rôle majeur dans la chute de Kadhafi, l'émirat a également accordé l'asile à Moussa Koussa, l'ancien ministre des Affaires étrangères libyen. Encore une apparente contradiction. Oui, ce Koussa est l'homme qui a contribué au retour de la Libye sur la scène internationale en 2003. Mais il a également dirigé les services secrets libyens pendant plus d'une décennie. Koussa détient beaucoup de secrets. Mmh. Et c'est pourquoi le Qatar l'a récupéré. Oh, c'est évident. Mmh. Moussa Koussa, on sait beaucoup sur les relations de la France avec Kadhafi. Pendant 2 ans, Claude Guéant, bras droit de Sarkozy, est resté en contact régulier avec Koussa, qui a même été reçu place Beauvau. Il est aussi probable qu'il a joué un rôle éminent lors de la libération des infirmières bulgares, tout de suite après l'élection de Sarkozy. Une libération obtenue aussi grâce à l'émirat qatari qui a, semble-t-il, largement ouvert son portefeuille. Et payé la Libye. Enfin, on a récemment parlé de Koussa. La note produite par le site Mediapart au sujet d'un éventuel financement de la campagne électorale de Sarkozy en 2006 était signée par Moussa Koussa. Oui, mais il a lui-même démenti. Hein. C'est vrai. Enfin, le doute peut persister. En tout cas, d'une façon très cynique, Doha donne un sérieux coup de main à ses amis occidentaux en gardant bien au chaud un personnage pour le moins sulfureux. Mais qui est aussi empêché de parler à tort et à travers. Vous avez tout compris. Mmh. Et quelle est la position du Qatar là, à propos des événements de Syrie? Doha aimerait bien y jouer un rôle de premier plan. Je crois vous l'avoir dit, l'émirat apporte déjà un soutien logistique important à l'armée syrienne libre, qui serait très proche des frères musulmans. Une partie des armes envoyées aux insurgés libyens aurait même été récupérée puis transférée en Syrie avec l'aval des Occidentaux. Mais c'est un dossier délicat pour le Qatar qui n'a pas les coudées aussi franches qu'en Libye. Pourquoi précisément? À cause de son puissant voisin iranien, qui ne peut assister les bras croisés à la disparition de l'un de ses principaux soutiens, Bachar al-Assad. Il faut aussi savoir que les Iraniens ont besoin de la frontière syrienne avec le Liban pour fournir des armes au Hezbollah libanais. Contribuer puissamment à la chute du clan al-Assad fâcherait donc Téhéran. Or, le Qatar ne peut pas se permettre de se brouiller avec l'Iran. À cause du vaste gisement de gaz naturel qu'il partage. Par conséquent, les Qataris doivent avancer à petits pas, d'autant que l'interventionnisme incessant du Qatar commence à agacer dans le monde arabe. Lorsque l'émir s'est rendu en Tunisie, après la victoire électorale de son poulain Denada, il a été hué. Ouais, prudence donc. Eh oui, car il n'est pas exclu qu'on assiste à des tentatives de déstabilisation qui pourraient, par exemple, être inspirées par l'Arabie Saoudite, irritée par l'ascension de son voisin. Y a-t-il eu des signes là, annonçant cette déstabilisation? En avril dernier, le site internet d'une chaîne d'information saoudienne a annoncé un coup d'État à Doha. L'émir aurait quitté son palais avec l'aide des forces américaines. Oui, mais la nouvelle était fausse. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Le double jeu, c'est dangereux. Je vous recommande un livre sur ce sujet, ces 30 ans qui ébranlèrent le golfe persique, d'Olivier Dallage, aux éditions du CIE.